Lütfen. Par rapport à quoi? Il y a les enseignements pour cela. Posez seulement la question. Il y a les enseignements pour cela. Donc, on fait de ça pour le support pour pouvoir prendre le temps à poser. Vous vous souvenez, un de ces jours, je vous ai fait le tableau à l'encre. J'ai pris le tableau, j'ai tracé tout le plan de temps et autres. Juste donné ce qui s'est passé, ce que Dieu avait dit à Daniel. On va refaire cela. C'est passé à une nuit de prière. Mais il me tourne, quelqu'un avait dormi, il sort. Donc je vais encore insister, ne venez pas là-bas dormir. Vous avez le sommeil, dormez chez vous. Même si il y a deux personnes, on explique ça. Oui. Dans la prière. Oui. Dans le lieu d'arrivée. Mais, tu connais combien de meurtres tu as commis pour ça, frère? Et tu connais, peut-être c'est ton grand-père, peut-être c'est son frère, peut-être c'est ta mère. Et Jésus a dit qu'aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit qu'aime ton prochain qui t'aime. Il dit aime ton prochain. Donc ton prochain peut être celui qui a été persécuté. Ça peut être la personne qui te tue en sorcellerie. Tu vois ça, n'est-ce pas, frère? Ça peut être quelqu'un qui ne partage pas tes avis. Il dit aime-le. Donc tu as tué combien de personnes là où tu es là, franchement? Que Dieu soit miséricordieux envers nous, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que tu proposais que nous fassions? Ok, frère, merci. Voilà pourquoi donc, je me tiens devant vous chaque fois, il dit poser les questions. En posant les questions, ça donne la direction du Saint-Esprit qu'on puisse travailler. D'accord? C'est dit, aujourd'hui on va parler de la prière, aujourd'hui on va parler de ça devient la religion, frère. J'aime prêcher sous sa direction. D'accord? Pour que ça ait son effet, pour qu'il fasse en nous ce qu'il voudra faire. D'accord? Ce sont des choses que si tu vois très bien que, frère, on a eu à faire comme ça, on nous a enseigné comme ça, on nous a enseigné comme ça là. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors on va prendre tout ça et montrer d'abord la source. C'est toujours comme ça qu'il procède. Je montre toujours là où les gens pressent là. Et montrer exactement. Vas-y, montrer là où il y a l'erreur. Pour amener les gens à la connaissance, à la vérité, il faut le montrer là où ils font erreur. Quand quelqu'un prend un gandon, il dit, c'est la loi de Moïse, il dit, frère, il y a deux identités dans la Bible. Il y a l'alliance avec les Juifs, l'alliance avec les chrétiens maintenant. Où tout est tous un sacrificateur. En expliquant les sacrifices, on explique, si la personne peut comprendre, peut comprendre. Tu vois, soit justement que les pasteurs qui font les gandolas sont les pauvres pasteurs, ça ne résout pas le problème. Il y a des gens qui voient les pasteurs comme ça, ils voient qu'ils sont le modèle, ils veulent faire comme eux, pourtant ils veulent servir Dieu. Mais ils regardent comme ils n'ont pas les modèles type, ils commencent à vouloir avoir la copie à partir de ceux-là. Et beaucoup sont tombés à partir de cela. Waouh, pasteur Christ, waouh, le gars là est frais. Et comment il a arrangé, conséquent, comment on veut faire comme ça. Mais si on regarde le pasteur, le grand pasteur Christ, Jésus, dans la Bible, on voit différemment. Vous voyez ça, n'est-ce pas, frère? Donc, posez des questions autant opportun, on répond pour résoudre le problème. Oui. Absolument. Ça, c'est long, c'est dans le lieu de prière. On va parler, puis on va mettre ça sur lancement. Les appeler, les élus et les. Ok, permettez-moi, je vous donne les versets, vous allez étudier d'abord. D'accord? Comme ça, la prochaine fois, ça va. C'est quoi? Maman, fais comment? Après un de ces jours, il faut faire brrr comme ça, on disparaît. Quelqu'un est dormi dans la salle, il croit peut-être qu'on allait à la cuisine. Donc même si on a fait un peu comme ça, vous dormez, mettez les yeux là-bas pour que ça s'ouvre. En fait, même si vous ouvrez les yeux, vous permettez aussi à l'animation, ça va se passer. C'est la même façon que ça va se passer. C'est pas ça bien les mêmes. Donc il faut seulement qu'on soit réveillé. Comment il trouve, je vous donne quelques versets. Prenez d'abord Marc, chapitre 13, verset 20. Vous pouvez lire pour voir ce qu'on parle pour le temps qu'il trouve le reste. Marc, chapitre 13, verset 20. Marc, chapitre 13, le verset 20. Vous dites, quelqu'un y voit. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait trouvé. Mais il les a abrégés à cause des débuts qu'il a choisi. Ok, donc je pense que vous voyez. Donc je vais vous donner quelques versets maintenant. Vous allez rentrer et étudier comme ça. La prochaine fois, quand je vais vous parler, ça sera facile, d'accord? Matthieu 24, en plus du verset que je vous ai donné à mes dents, d'accord? Matthieu 24, verset 22 à 24. Matthieu 24, verset 22 à 24. D'accord? Puis le verset 31. Tout à l'heure, je vais vous donner Marc, chapitre 13, le verset 20. Donc, notez 20 à 22, puis le verset 27. Dans Marc chapitre 13, les versets 20 à 22, puis verset 27. Marc chapitre 13, verset 20 à 22. Puis le verset 27. D'accord? Donc, on va au verset 27. Luc chapitre 16. Le verset 7. Luc chapitre 16. Le verset 7. Vous y êtes. Ésaïe chapitre 66. Vous notez. Luc chapitre 16. Et les deux sont dit que même voilà ça, même la lumière confirmée qu'il faut qu'on ouvre ça. Hein, mamie? Oh. Luc chapitre 16, oh. Verset 7. Papa. Oui, monsieur. Donc, je dis Matthieu chapitre 24, le verset combien? 22 à 24, n'est-ce pas? Puis le verset 31. Marc chapitre 13, le verset 20 à 22, puis le verset 27. Luc chapitre 16, le verset 7, n'est-ce pas? Prenons encore le Ésaïe. Prenons Ésaïe chapitre 42, même. Verset 42. Waouh! Ésaïe 42, le verset 1. Vous y êtes? Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 45, verset 4. Est-ce que vous en avez noté? Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 45, verset 4. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 9. On y va, bien aimé. Si vous êtes, au point, vous me dites comme ça, j'avance. Ok. 2 Jean chapitre 1. Verset 1 et 2. 2 Jean. Chapitre 1. Ça se voit qu'il y a un seul chapitre. Chapitre 1, verset 1 et 2. D'accord? Puis le verset 13. Je continue. 2 Pierre. Chapitre 1. Verset 10 à 11. J'ai dit 2 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Et chapitre 2 verset 6. Je continue. Oui. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 verset 11 à 12. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. 2 Timothée chapitre 2 verset 10. 2 Timothée chapitre 2 verset 10. Tite chapitre 1 verset 1. Romains chapitre 8 verset 33. Vous y êtes? Romains chapitre 8 verset 33. Chapitre 9 aussi maintenant. Romains chapitre 9. Ma fille, elle a pris les versets, elle a pris les pages du livre, ça t'a pas évolué ici. Chapitre 9 verset 11. Donc Romains chapitre 9, maman, verset 11. Maman. Chapitre 11 encore. Romains encore, chapitre 11, verset 5 à 7. D'accord, bien aimé? Ok. Tout à l'heure, je vous ai donné Romains chapitre 16. C'est chapitre. Non, pas Romains. Luc. Je vous ai dit Luc chapitre 16, verset 7. C'est Luc chapitre. C'est Luc 18, verset 7. Donc c'est 18, pas 16. Vous y êtes? Ok. Tous les versets que vous avez donnés, ce sont les seuls versets dans la Bible où on parle des élus. Je les ai recensés pour vous les donner, d'accord? Donc, en dehors de ces versets, on ne parle plus de lui quelque part. Voilà les versets où on parle de lui à l'intérieur, dans toute la Bible. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors maintenant, voici donc pourquoi je vous donne cela d'aller travailler. Voici comment faire quand on travaille la Bible. Je vous ai toujours dit sa méthode. Remarquez ce que je vous ai donné dans Ésaïe. C'est ça, n'est-ce pas? Puis maintenant, la majorité se trouve dans l'Évangile et le Nouveau Testament. N'est-ce pas? toute doctrine, pour qu'elle soit biblique et définitive, il faut amener l'harmonie, l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder exactement, il faut lire des préférences. Vous regardez les textes de l'Ancien Testament qui se trouvent là-bas, vous lisez d'abord là-bas, d'abord l'Ancien Testament, pour comprendre ce qu'on a fait et lu dans l'Ancien Testament. Et puis vous allez maintenant dans les évangiles, commencer à lire les évangiles distinctement à partir de Matthieu, Marc et Luc qui sont là-bas pour voir de quoi on parle. Et puis avancer maintenant dans les évangiles. Quand vous allez avoir cela, vous allez avoir maintenant la pensée de Dieu. C'est que quand Dieu lui parle des élus, c'est qu'il parle. Est-ce que vous comprenez? Sinon vous allez dire qu'il y a beaucoup d'élus, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est quoi les élus? C'est quoi les appelés? Alors quand vous allez voir la pensée de Dieu, vous allez voir de quoi il est question. D'accord mes bien-aimés? Ok. Donc c'est pour répondre à la question, pour dire on va parler de ces choses. Bon voilà de ces choses. Parce que si on prend le temps là, il dit que disons tel verset pour voir telle chose, ce que Dieu dit. Disons, ça c'est vraiment pour les élus. Maintenant quand on va le faire pour les élus, les appeler, ce sera automatique. D'accord. Autre chose frère. Je ne peux pas vous laisser passer, même si vous laissez la maison, vous ne pouvez rien faire. C'est pas ça maman Claude. Même si vous laissez la maison, même si vous parlez à Nyala, il ne peut pas partir. Vous allez aller dans Nyala la pluie. Donc mieux on prêche. C'est pour ça que j'aime quand je prêche comme ça, il pleut. Parce que je suis sûr que même si vous prêchez n'importe comment, vous allez dire que même si ils arrêtent, non, on va pas pouvoir sortir. Père, qu'il pleut jusqu'au matin si possible. Oui, frère. La Bible dit dans Jacques, oh, bonne chose, frère, bonne chose. Oh. Oh. Oh. Avant que tu me poses ta question, lorsqu'on va voir la pensée positive, on va revenir sur ces versets-là, d'accord, frère? Gardez ceci à l'esprit, suivez attentivement. Lorsqu'on va voir on a vu les doctrines de prospérité, n'est-ce pas? On a vu clairement que ce n'est pas de la Bible. On va voir la pensée positive. Les pasteurs qui prêchent que si vous avez des problèmes, ne parlez pas des problèmes. Parlez seulement aux problèmes, parlez que problèmes. Ou bien parlez si vous avez la poche vide, parlez que je suis riche. Ouais, c'est l'argent. Je vais vous mettre encore la vidéo, on va voir. On va voir comment quelqu'un va dire que, dites de répéter ceci. Argent, venez vers moi maintenant. 30 000 personnes répètent. Dans l'église. Donc pendant qu'il va parler, le jour qu'on va parler de la prospérité, je vous avais dit ceci, vous savez que ce n'est pas écrit, je n'ai pas écrit là. Je veux que vous me rappelez deux versets particulièrement. Le verset que le prince vient de dire, c'est Jacques chapitre 5, le verset 17, où on parle de l'Élie qui a permis la pluie, la terre, pour que ça ne tombe, qu'on dit qu'il était de la même nature que nous. D'accord? Parce que c'est l'un des versets qu'ils utilisent. L'autre verset, c'est celui-là, le verset de Jean chapitre 10, où Dieu dit, Jésus-Christ parle de sa bouche, que n'est-il pas écrit dans la loi que j'avais dit, vous êtes des dieux? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ou mieux, si vous le prenez, psaume 82, verset 6. Donc, vous pouvez noter les deux versets. Je vais dire ici, ce jour-ci, je parle et que vous remarquez que je n'ai pas parlé de ces deux versets-ci. Parce que les deux versets que je viens de donner sont liés intimement par rapport à la pensée de la doctrine de la pensée positive, de la confession de la foi. Vous savez, n'est-ce pas? C'est très important. Si je parle sans parler de ces deux-ci, c'est que je n'aurais rien fait. Donc, là, on dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Il faut qu'on nous comprenne en développant cette doctrine-là, on va voir ce que Dieu lui il disait. Qu'est-ce qu'il a mis d'appeler Dieu? Qu'est-ce qui est traduit par Dieu dans la Bible? Qu'est-ce qu'il voulait dire? À qui il dit ça, Dieu sait? D'accord? On va voir tout cela et on va arranger cela. Maintenant, frère, pose ta question. Oui. Oui. Bonne question. Vous voyez, Dieu merci que j'ai parlé d'abord en mettant les garde-fous. C'est pour cela que c'est exactement la question qu'on va se poser là-bas pour rendre les gens qui parlent de la pensée positive pour dire clairement que. Quand on a parlé d'Élie, il y a même nature que nous, quand on a parlé, là, il y a quelque chose. Il y avait une personne qui fonctionnait en Élie. Et si tu as remarqué, si tu es rentré dans 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 17, chapitre 18, tu vas remarquer très bien que quand Élie va se présenter devant le sacrifice, il va dire que, afin que, il faut que vous sachiez que c'est Dieu qui a ramené votre cœur. Après, il va dire que, Seigneur, j'ai fait ceci sous ton nom. C'est parce qu'il écrit. Donc, c'est pas Élie qui a décidé de faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit qu'on va revenir sur ça. Parce que les gens parlent de la Bible, on dit qu'Élie était la même agent de la nature que nous. Vous voyez? On dit qu'Élie était comme nous. Donc, comme Élie, tu peux fermer le ciel. Quel prédicateur, depuis qu'on est la même nature là, a fermé le ciel qui ne pleut pas? Élie n'est pas sorti de nulle part pour dire que je ferme le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Pas vrai? Même le feu qui est descendu, c'est pas lui qui a fait descendre le feu. Parce que c'est ici. C'est qu'il devait faire la même chose pour Isabelle. Il devait rester que, ok, pour Isabelle, il ne sait pas de qui il est question. Il devait bombarder le feu dans sa maison. Feu! Ça devait se passer. Mais il a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il commande. Quand ça ne va pas, il fuit, mon ami. Tu comprends ça, frère? Ok, de la même nature que nous, c'est ça, la même nature que nous. Il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que les deux textes avec, j'avais dit, vous êtes des dieux, liés. Je vais parler plutôt de ça pour répondre bien à ta question. Et le jour qu'on va faire cette doctrine-là, si Dieu le permet, ça me dit, on va parler. Parce que, comme c'est un peu long, quand on vient à 16h, on aura le temps parce qu'il va présenter des vidéos. On voit, je vais présenter les documents de la franc-maçonnerie, vous parlez du de début depuis l'Antiquité, jusqu'à ce que ça tombe à notre ère. D'où c'est venu. D'accord, bien aimé. Et là, je crois qu'il va répondre à ça en profondeur, bien même là-dessus. Amen. Question? S'il n'y a pas de question, on arrête ou bien je prends la question qui n'est pas là-bas, écrite la question là-bas. Non, non. La question qui avait été posée ici, c'est ceci, c'est que on a dit que en citant Marc, le livre de Marc là-bas, le verset 22, elle a dit, voici la façon que la personne a mis, que Jésus a dit de sa propre bouche que il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toute chose, mais il est venu et l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qui est écrit de lui. La question qui est posée, c'est qu'est-ce qui était écrit de lui? Parce que Jésus a dit clairement qu'ils l'ont traité. Donc la façon dont on a traité Jean-Baptiste, c'était écrit de lui qu'on devait faire. C'est ça, non? Et je vous ai posé la question d'aller chercher. Vous avez tiens la réponse? C'est ça. Amen. Non, ça règle le problème, ça va. Avançons, première question. Oui. Oui. La question encore revenue encore cette année, c'est oui. Pourquoi il faisait tout cela? Wow. Pourquoi est-ce que Jésus disait que ne dit à personne? Avant de répondre à la question, réponds-moi rapidement. Les gens là partaient faire ce que Jésus a dit. Non, au contraire. Donc en fait, c'est ce que Jésus leur demandait. C'est pour ça qu'il faut comprendre le langage du Seigneur. Donc, eux, ils comprennent ce que Jésus-Christ disait d'aller faire. Parce qu'en fait, si Dieu fait de bonnes choses dans ta vie, tu ne peux pas te taire. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez que c'est en fait, si vous comprenez que Jésus-Christ dit non, ne parle pas, c'est que c'est un non-sens. Regardez bien. Voici quelqu'un qui est né aveugle et paralytique, n'est-ce pas? Le voici, on le met chaque jour ici. Tout le monde le connaît. On connaît son père, on connaît sa mère, il habite là-bas. On vient le guérir, on dit que pas la personne ne dit à personne. Ça a un sens. Donc tu parles à la maison. La personne qui te voyait comment ton pied était comme ça là, et quand tu portais chaque fois, on arrêtait la main. On te voit sortir. Les gens se posent des questions, on dit que qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends? C'est ça? En fait, c'est parce qu'il fait ce qui est écrit dans, de lui. Si tu lis dans lui des ailleurs, la vie déclare que on n'entendra pas ça, il ne jugera pas sur un oui dit. D'accord? On dit qu'il n'éteindra pas, il n'éteindra pas la mèche qui brûle jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, d'accord? D'accord? C'est ce qui est écrit de lui. Et il va frapper la terre avec la parole de sa justice. Donc, autrement dit, c'est écrit qu'un autre te loue et non ta bouche. Donc, en fait, c'est une publicité pour le royaume là, mes chers amis. Donc, quand le Seigneur dit que, va, et garde-toi de faire, ne dis pas à quelqu'un que c'est moi qui fais cela. La Bible déclare qu'il est parti, non seulement il a dit à ses voisins, il a publié sur tout le territoire. Donc quand le gars s'est levé le matin, il dit que Jésus-Christ m'a guéri, oh! Jésus-Christ m'a guéri, oh! Jésus-Christ m'a guéri, oh! Il est parti publié. Comment est-ce qu'il est publié, non? Que Jésus-Christ m'a guéri. Donc s'il avait le gros parler aujourd'hui là, il dit que si vous faites n'importe quoi, Jésus-Christ m'a guéri. Pourtant Jésus lui aurait dit certainement que ne dit pas. Tu vois ça, frère? Donc le langage de Jésus-Christ, en fait, va témoigner pour la grandeur de Dieu dans ta vie, vers les tiens. C'est ça que Jésus veut dire. Alors, si il dit clairement, et dans une autre version, on dit clairement, il a donné ses recommandations sévères. C'est ça, non? C'est des recommandations sévères. Et c'est justement là où il a donné la recommandation sévère de ne pas parler qu'ils sont allés vraiment publier. Oh, la Bible, c'est pour ça qu'il vous parle toujours chaque fois de la façon de Dieu de parler. Bien aimé. Autre question? Donc, cette personne lui a posé la question, qu'en est-il donc? Apparemment, ils sont des prêchés ici, et puis on a noté quelque chose en disant que, mais, qu'en est-il donc de ceux qui disent, en réussissant la sainte doctrine, que ce n'est pas encore le moment de comprendre. C'est ça, frère? Que le temps viendra, on comprend. Quand Dieu va me convaincre, je vais comprendre. Cette personne-là, sa parole montre qu'elle a de réaliser la vérité. Dieu ne peut pas le convaincre. Quand vous entendez quelqu'un dire que si c'est Dieu, pas Dieu qui me parle, tu ne croiras pas. Il vient de se disqualifier. Je vais encore recommencer ça pour vous. Quand quelqu'un, tu as présenté la vérité à quelqu'un, la personne dit que si ce n'est pas Dieu qui me convainc, il vient de dire clairement que toi, tu ne parles pas par Dieu. Il vient de rejeter la parole que tu as dit que cette parole n'est pas de Dieu. C'est indirect. Tu comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Si tu dis que, si tu dis par exemple que moi je suis un garçon, tu viens de dire que tu n'es pas une fille. C'est pas ça, bien aimé. C'est-à-dire moi je suis un garçon. Je n'ai pas besoin de dire que moi je suis un garçon, je ne suis pas une fille. C'est-à-dire que moi je suis un garçon. C'est suffisant pour dire que je suis en train de dire que je ne suis pas une fille. Vous savez, n'est-ce pas? Dieu utilise n'importe qui de son groupe pour faire sa volonté, pour communiquer sa volonté. On a vu le cas, l'apôtre Paul avait été emprisonné ici. Les gens ont fait un gars d'appel pour le tuer. Que demain, ils ont monté un coup. Un enfant passait là comme ça, et c'était l'enfant de la grande sœur de Paul. Il est passé là-bas, il a entendu comment il a dit que demain, on va demander au tribun que faites-le venir pour qu'on pose des questions. Et pendant qu'on va faire comme ça, là, vous, le groupe, se sortez par derrière, créez une diversion, frappez son visage comme ça, le tue. C'est ce qu'ils ont dit. Quand l'enfant a écouté ça, c'est Dieu qui a positionné cet enfant-là à cet instant là-bas. Et c'est Dieu qui a attiré son attention pour qu'il comprenne. Et Dieu lui a donné l'intelligence d'aller vers la prison pour dire à Paul ce qu'on avait présenté. Vous voyez comment Dieu a utilisé un enfant pour délivrer l'apôtre Paul. Vous avez vu, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vous prends un exemple. L'apôtre Paul est venu, l'enfant est venu dire à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit que va appeler le soldat romain là-bas, dis-lui ce que tu as dit. Après, on a fait comme ça, des nuits, on a enlevé l'apôtre Paul là-bas parce qu'on savait très bien ce qui était prévu. Quand vient-il maintenant, si cet enfant-là venait, l'enfant, je vais prendre cet exemple simple parce que c'est aussi pathétique que ce qu'on voit aujourd'hui. Quand vient-il, si cet enfant-là vient dire à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul à qui Jésus parle face à face, Jésus ne lui a pas parlé de ça. Mais il a décidé de mettre ça en un enfant pour que cet enfant vienne lui dire. Et l'enfant parle, l'apôtre Paul ne discute pas. Il reconnaît que ce que l'enfant lui dit est vrai. Quand vient-il maintenant, si l'apôtre Paul reste là-bas, il dit que si ce n'est pas Dieu lui-même qui me parle, il ne bouge pas d'ici. Ou voilà, là où c'est réuni, se retrouver. Dis à ton voisin, discerne la voix de Dieu dans toutes choses. C'est-à-dire, quand ça vient de Dieu, il faudrait mieux d'analyser. Si c'est aligné avec la parole, il faut directement accepter. D'accord? Ok, maintenant. Voici donc comment on a présenté la sainte doctrine à quelqu'un. La personne, remarquez très bien qu'avant que quelqu'un ait dit ça, on essaie de contredire d'une façon, chercher des tours, des tours, des tours. Quand ça ne marche pas, c'est là où on dit ça, pas vrai? C'est-à-dire que quand tu dis que, ah, dis-moi où le où c'est quelque chose, il y a des pensées dans la Bible, quand tu vas en montrer, en philosophie, un peu comment, la raison humaine est en train de contredire, mais quelque chose qui est en Dieu dit clairement que c'est la vérité. Mais on ne veut pas accepter, tu vois, n'est-ce pas? Alors on arrive à un point où on dit que non, Dieu lui-même va me convaincre. Au commencement, la parole était avec, et la parole était, et Jésus a donc dit que, allez prêcher. La Bible, 1 Jean dit quoi? Que ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Vous avez lu ça dans votre Bible? Ceux qui sont de Dieu ne nous écoutent pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. N'est-ce pas ce que la Bible déclare? Il dit ceux qui sont de Dieu nous écoutent. La Bible n'a pas dit que ceux qui sont de Dieu vont attendre que Dieu les convainque. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un est de Dieu, il va reconnaître que voici une grâce que Dieu a mis dans la vie de telle ou telle personne. C'est pour cela que frère, dans l'église, il n'y a pas de discussion au sujet des doctrines. Mais aujourd'hui, il y a des disputes même jusqu'à ce qu'il y ait des séparations au sujet des doctrines. Pourquoi? Parce que personne ne veut reconnaître l'autre. En fait, c'est parce qu'en réalité, chacun a la théologie encore. On tourne un peu comme on revient là-bas. Le fait que les gens ont appris la façon de prêcher, ont appris qu'on peut devenir pasteur, ça fait que tout le monde soit pasteur à le même titre. C'est le fait que quand l'authentique parle, on discute. Écoutez, quand l'authentique, c'est pour ça que quelqu'un m'a posé la question de la dernière fois, c'est est-ce que quelqu'un qui est appelé de Dieu ou de l'esprit peut prêcher une fausse doctrine? J'ai dit non. Le Saint-Esprit ne peut pas prêcher une fausse doctrine. Il va prêcher quelque chose, ça va conférer toujours d'après sa parole. Alors, les gens qui peuvent prêcher la fausse doctrine sont les gens qui ont appris à prêcher. Ou bien quand tu écoutes quelqu'un, tu vas aussi aller dire. Et tu dis, passe de la manière que la personne a dit. C'est n'est-ce pas? Quand tu es appelé de Dieu, quand tu es de prêcher par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas faire d'erreur dans sa parole. On se comprend bien aimé. Voilà pourquoi il n'y a pas de discussion, parce qu'il reconnaissait que ça venait de Dieu. Voilà pourquoi exactement il dit, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un s'est prêt à contester, nous n'avons pas cette habitude, nous ne contestons pas. Quand on dit c'est comme ça, alors l'apôtre Pierre va dire que c'est la même chose que l'apôtre Pierre pour vous dire, dans lequel il y a le point difficile, dans lequel plusieurs personnes tordent le sang comme ils tordent les autres écritures. Donc l'apôtre Pierre va dire que quand même je ne comprends pas ce qu'il dit, je reconnais que ça vient de Dieu. Est-ce que vous cessez bien aimé? Vous me cessez? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis quelque chose à quelqu'un, au lieu d'admettre la vérité, et c'est plié. En fait, on va courir, on va aller à une conclusion simple. Si tu es de Dieu, tu vas suivre la vérité. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas faire autrement. Vous dites, il faut essayer de faire le temps, donner le temps pour qu'il se convainc. Je vais vous dire quelque chose pour que vous voyez. Jésus nous a donné le modèle exemplaire par rapport à la prédication. Quand il prêchait, ceux qui étaient de la vérité le suivaient, point final. Et il ne posait pas de questions par rapport à son enseignement. Les seules questions qui sont venues, c'est, regardez bien, les gens qui comprenaient l'enseignement de Jésus étaient comme ça, pendant que Jésus parlait. Dans Matthieu chapitre 19, là, quand il a parlé, les disciples observaient et Jésus et la réaction de la foule. Ils ont vu comment ça a gravé, c'était grave dans la foule. Ils sont venus, mais Jésus dit que maître, cette fois-ci tu as dépassé le bord. Tu sais que ce que tu as dit là, ça a scandalisé les pharisiens. Vous savez ce qu'il a dit, non? Vous savez ce qu'il leur a dit, répondu, non? Il dit qu'il vous a été donné de comprendre. Mais à eux, c'est comme ça, je vais les traiter. Je vais les traiter. Autrement dit, Jésus ne parle pas pour prier les gens. Le but, et on va encore revenir là-dessus. Le but pour lequel il prêche, c'est pour amener ses brebis. Il a dit ses brebis entendront sa voix, elles viendront. C'est parce qu'il dit. Pourquoi c'est fait qu'il prêche, il prêche, il dit que si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas ma vue. L'apôtre de Pierre dit que wow, ça c'est vraiment la parole de la vie éternelle. Pendant l'autre porte, on sent comme ça, la maman a parlé, ça dit que c'est la dernière fois qu'il passe le chignon là-bas. La dernière porte. Si vous restez là-bas, vous restez, c'est votre problème. N'est-ce pas la même parole qu'il a prêchée? Comment quelqu'un dit que ça c'est la parole de vie? Waouh, c'est vraiment la vie éternelle. L'autre dit que ça c'est la parole d'un marabout, des démoniaques. C'est, il a vraiment mangé le saucisson, le pied humain. Ils sont partis, pas vrai? Quand il a guéri, prenez encore ces gens chapitre 8 là et lisez doucement. Il va dire que vous ne pouvez pas venir à moi pour avoir la vie. Parlez des choses, parlez à chier. Quelqu'un va dire que tu as un démon, tu es un samaritain. Il va encore parler, dit que je n'ai pas de démon. Et j'ai fait l'aventure du Seigneur et vous m'outragez. J'ai beaucoup de choses à juger de vous, mais c'est le juge pour même personne, c'est le Père qui me juge. Je vais encore faire davantage de choses encore le faire. Il parle, dit que vraiment c'est confirmé. C'est deux fois qu'ils ont dit ça à Jésus dans le même passage. Il dit que n'avons-nous pas raison de dire vraiment que tu es un samaritain, que tu as un démon? Ouais, ça n'est-ce pas? Après, quelqu'un d'autre va entendre et dire non, ça, ce n'est pas la parole d'un démoniaque. Pas vrai? Avons-nous jamais entendu qu'un démoniaque a ouvert les yeux de quelqu'un qui est aveugle le nez? La question était posée par exemple, on a dit flouquant ici. Pécheur, tu es né dans tout le péché, tu viens d'apprendre la loi. Pas vrai, frère? Or, maintenant, tout était au-devant d'eux. Lisez un peu Jean chapitre 10. C'est parce que si vous êtes attentif avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez manifester exactement son royaume. Dans Jean au chapitre 10, si vous prenez la partie du verset 26 en descendant, ils vont tourner devant Jésus-Christ qui marchait là-bas, ils sont devant Jésus-Christ. Ils ont tenté de contredire Jésus-Christ n'importe comment, ils n'ont pas pu. À un moment donné, ils vont dire que s'il te plaît. C'est les pharisiens qui disent comme ça, hein, à partir du verset 26 en descendant. Il dit que si tu es le Christ, dis-le nous franchement, jusqu'à quand tu tiendras tout notre esprit en suspense. Il dit, je vous l'ai dit dès le début et vous n'avez pas compris. Pas vrai? Il dit que les œuvres que je fais rendent témoignage de qui je suis. Il dit que le Père agit. Juste à présent, moi aussi, il est compliqué un peu la vie un peu. Et après, il dit que le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Là, tu as traversé le bord. Là, tu as traversé les bords. Jusqu'à dire que j'ai fait voir plusieurs veuves venant de mon Père. Pour lesquels mes rapides vous disent non. Quand tu as guéri la femme, là, c'était normal. Quand le garçon, c'était normal. Mais c'est pour un blasphème. Parce que toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Écoutez très bien, je vous amène quelque part pour que vous voyez que Jésus dit quelque chose et on comprend qu'il n'est pas là pour discuter avec les gens. Il a dit le Père et moi nous sommes un. Initialement, ils lui ont demandé si tu es le Christ, dis-le nous franchement jusqu'à quand tu en as tout notre esprit en suspens. C'est dans Jean chapitre 10 là. Si vous prenez votre verset, le verset 26 ou le verset 35. Alors, il pose la question juste si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus va prendre une méthode pour le dire exactement. Il a dit que je vous l'ai dit. En fait, je voulais dire, vous n'avez pas compris. En fait, je vais vous le dire maintenant encore, ce qu'il veut dire. Après, il va dire que le Père et moi, nous sommes un. Ils vont le lapider. Il dit que l'Écriture dit que j'avais dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, et celui que le Père a oint, écoutez ça, et celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ils viennent de répondre à leur question qu'ils ont posée en haut, que si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il a dit clairement, il vient de le dire là maintenant. Vous voyez ça, frère? Ah, maintenant, c'était entre les mains. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu pour prier quelqu'un. Et c'est exactement comme ça pour la vérité. Si quelqu'un est de la vérité, on avance. Quelqu'un veut discuter, il part dans les Écritures, il a sa Bible avec lui, il part combattre avec l'Esprit à l'intérieur. Ce riche-là s'est tenu devant Jésus-Christ, il a dit que Seigneur, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? La question était claire. Jésus-Christ lui a dit que, qu'est-ce que le commandement dit? Ah, c'est, oh, j'ai fait ça depuis l'enfant. Dit, ok. Après, lui-même me pose encore la question. C'est Jésus qui reste tranquille, on veut l'attaquer. S'il disait que, ok, les commandements, je les ai observés tous, Dieu qui devait rester tranquille. Il a dit comme ça, il a encore dit, qu'est-ce qu'il y a en toi encore faire? Il a poussé la révélation, la prière loin pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu qui a dit, ok, si tu veux être parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue le pour. Viens, suis-moi. Il était en Gandora comment? C'est là que Jésus comme ça, il dit, ta tête ne tient pas. Il est parti. Quand il est parti, Jésus qui n'a pas dit que non. Je parlais qu'en parabole, pourquoi tu fais comme ça, là, frère? Il n'a pas dit ça, il a laissé partir. Mais dis-moi un peu comme ça. Pendant qu'il partait, Jésus s'est tourné vers ses cibles, il dit que il sera difficile à un homme qui a les richesses d'entrer dans le royaume. La Bible déclare que les disciples furent encore plus étonnés. Il dit que dans ce cas, qui peut vraiment être sauvé? Pourquoi il dit qu'il peut vraiment être sauvé? Parce que la course de la richesse dans le monde ici n'est pas facile. Il dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Le riche est parti comme ça. Vous le suivez, marcher dans la Bible, dans Luc chapitre 16, il se trouve exactement en entrant de discuter avec Lazare, Abraham, lui. Le riche qui a rencontré Jésus face à face pour demander la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. La Bible déclare qu'il a marché, il s'est retrouvé en enfer. Il a commencé à plaider maintenant que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, envoie Abraham pour qu'il dise qu'il faut faire le choix qu'on aurait dû faire. Il dit non. En fait, la mission de Jésus qui était mise sur la terre, il a laissé les prophètes là-bas, les prédicateurs, qu'ils l'écoutent. S'ils n'écoutent pas, la même chose. Quelqu'un dit encore, s'il nous écoute, il m'écoute. Allons-y. Donc, quand quelqu'un dit donc que Dieu va me convaincre à moi, c'est parce que Dieu a dit, l'ordre de Dieu, c'est que Dieu choisit comment te prêcher. C'est à lui de faire. Alors, s'il a amené quelqu'un vers toi pour te dire la vérité, la question que tu dois te poser, c'est, Seigneur, est-ce toi qui en as de parler? Si c'est oui, tu suis seulement sans discuter. C'est là, c'est l'ordre. Mais quand tu vois, nous allons parler d'un pasteur qui a suivi la théologie, porté les gants droits. Tu vas lui dire que pasteur, montre-moi dans la Bible un verset qui parle de l'habillement spécial des pasteurs. Il n'y a pas ça dans la Bible, mais pasteur, stop là-bas, stop, n'avance pas dans mes. Parce que ce qu'on y ajoute là vient du malin. Tu es qui? C'est moi qui t'ai amené en Christ. Tu veux montrer quoi? Tu as lu la Bible depuis combien de temps? Je suis là depuis. Vous voyez ça, n'est-ce pas? La pierre d'achoppement. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné le pouvoir? Depuis nous sommes ici, nous sommes collés, on ne sait pas qui t'a signé de diplôme, c'est ce qu'on a demandé à Jésus. La même chose sera demandée à des chrétiens qui sont envoyés de Dieu. Donc dans ce 1 Jean chapitre 4, il dit que celui qui est de Dieu nous écoute. Donc simple. Et on écoute quand on ne prêche pas nous-mêmes, c'est Christ que nous annonçons. Si nous nous annonçons la sainte doctrine, c'est ce qui est dans la Bible qu'on doit prêcher. Alors si on prêche ce qui est dans la Bible, quelqu'un discute, hein? La Bible est claire. On reconnaît par là l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur ne vient pas de Dieu. Quand ça va venir de Dieu, c'est quand Dieu va lâcher cela que ça va tromper déjà, afin qu'il croit maintenant désormais au mensonge. Pas que ça prenne sa source de lui. Pas que ça prenne sa source de lui. C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de... Regarde bien, pour ceux qui disent que Dieu va me convaincre, la Bible déclare que ces gens de personnes, comme ils n'ont pas eu l'amour de la vérité c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la vérité, bien-aimé? La parole, encore. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on les a prêché la parole. Ils ont refusé. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous avez entendu là, hein? Donc faisons attention. Donc c'est pour répondre à cette question-là. Non, Dieu va me convaincre. Dieu t'a convaincu pour que tu te baptises. Dieu t'a convaincu pour que tu aies foi en Jésus. Quand c'est pour la guérison, on ne te convainc pas. Tu vois la manifestation de la même personne. C'est comme ça qu'il avait dit, il y a des personnes qui étaient vers moi et disent que non, Junior, je suis d'accord avec toi. Mais le truc de pantalon et de foulard. Les gens sont venus plusieurs fois me négocier avec moi à la maison, on ne savait pas. Que non, tu fais comme ça, tu cherches les gens de l'église. Que c'est ça qui fait que tu as remarqué que telle personne ne vient pas. Vois comment même flatter. On croit que je suis là pour les nombres. Je ne suis pas là pour les nombres, frère. Les gens sont sortis des foules gosses pour venir me voir parce qu'ils avaient eu la grâce de Dieu. Ils ont dit que dis seulement oui, j'avoue telle personne t'envoie en Amérique. Je les regarde comme ça là. Dis seulement oui, il y a tel là-bas signé ton dossier. Donc, ils sont venus me côtoyer. Donc, ils sont là seulement pour détecter des talents. Envoyer des foules gosses pour que je dise désormais, je suis prophète de foules gosses. Moi aussi. D'abord, je suis allé un jour, comme ça, j'ai dit que, comme il me demande, j'ai dit qu'il va aller prier. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, suis frère. J'ai dit, Seigneur. Il a dit, l'affaire. Je me suis levé de là. J'ai dit, Seigneur. Je n'ai pas avancé un mot pour dire, Seigneur. Est-ce que tu. J'ai dit, Seigneur. Il a dit, l'affaire. Je me suis levé. Il devait être capable de mettre full gosse pour coton. Je proche là-bas chaque dimanche. Les gens donnent le dimanche. Mon ventre est gonflé comme ça. Pourquoi la faire aller au frère? Il m'a appelé dans la liberté pour frapper. Si c'est pour que ce qui fait mal, je frappe. Si c'est catholique, je frappe. Pentecôte, je frappe Mahanaïm. Le camp de Dieu, je disperse. Camp de Dieu, mon camp des anges, tu parles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu a établi les gens, Matthieu 24 dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent à qui Dieu a établi pour donner la nourriture spirituelle au camp convenant? Et le serviteur que si le maître venant faisant ainsi. Dieu les a établis pour faire quoi? Pour donner la nourriture. D'autrement dit, les gens doivent savoir qu'il est établi de Dieu. C'est pour ça que celui-là doit veiller lui-même sur lui-même, sur son enseignement, pour voir que ça donne, que ça soit conforme à la sainte doctrine. Si c'est conforme à la sainte doctrine, ceux qui écoutent, non, il n'y a pas de discussion à apporter. Il n'y a pas de discussion. Ouais, n'est-ce pas? Les gens sont venus par derrière me côtoyer. Frère Junior, si tu fais comme ça, les gens vont fuir. Voilà pourquoi les gens te fuient. Il y a des gens qui en viennent ici et enlèvent le bouc de Dieu et cachent. Ils cachent pour moi, c'est moi qui suis Dieu. L'autre prend le pantalon, il vient avec les yeux, il tourne les fesses comme ça. L'autre est venu me voir et dit que frère Junior, c'est ça qui chasse les gens de l'église. Tu fais comme ça, les gens vont venir. J'ai dit, ok frère, je suis d'accord avec toi, à condition que tu me réponds à la question. Si les catholiques viennent dans ton assemblée, tu vas leur demander de se baptiser. Il dit oui. Il dit non, si je suis proche sur le baptême, il faut le laisser. Si je suis proche sur le baptême aussi, en disant que si quelqu'un n'est pas baptisé par immersion, si il n'est pas plongé dans l'eau, alors il n'est pas baptisé. Donc si tu fais comme ça, et si tu fais comme ça, alors si tu proche sur ça, il parle de comme ça. Tu viens de chercher les gens. Il a dit, c'est pas la même chose, c'est la doctrine de Dieu. C'est dans la Bible, c'est écrit dans la Bible qu'on a porté le foulard, c'est écrit dans la Bible qu'on a se baptisé. Amen. Voilà. Alors là, il est rentré comme ça. Allez calomnier Junior. Mais je m'en fous qu'on parle n'importe quoi de moi. J'ai couvert la vocation céleste. D'accord? Donc beaucoup sont venus me négocier comme ça, beaucoup sont partis comme ça. Que non, il y a quoi de mal à cela? Il y a quoi de mal à cela? Frère, il n'y a pas de problème. On va se tenir devant le trône et les gens vont voir que toute parole de Dieu doit être éprouvée. Aucune parole ne peut tomber sans s'accomplir. Aucune. Alors les gens auront les bouches fermées. Quand le jugement de Dieu va se passer. Et c'est la parole qu'on a dit qui va juger les gens. Le but pour les personnes se posent la question. Mais pourquoi ne pas obéir à Dieu simplement? Quelle est l'importance de cette chose dans ma vie? Parce qu'il est discuté avec ça pour Dieu. Souvenez-vous de Saül. Et puis le bruit qu'il a fait. Qu'il a tué. Ce qu'il a resté. Et même ce qu'il a resté, il a consacré ça à l'éternel. Pas qu'il allait manger lui-même. Souvenez-vous de ça encore. Il consacrait encore ça à l'éternel. Donc il voulait rendre culte à Dieu à sa manière. Il voulait rendre culte à Dieu à sa manière. Donc si quelqu'un dit, non, Dieu va me convaincre, Dieu va me convaincre aujourd'hui, le jour que Dieu va me convaincre, si c'est pendant la grande tribulation, tu vas te convaincre, il faut tenir ferme maintenant pour passer par là, allez-y. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que les gens qui entrent sont les vainqueurs, que les gens qui ne tolèrent pas de telles choses, d'accord? Mm-hmm. Autre question? Et encore? Oui, là. Oui. C'est comment? Je passe. Oui. C'est là. L'humilité. C'est la seule position particulière que Dieu veut devant quelqu'un qui va se cacher devant lui. Le frère, il croit que je vais dire que à genoux. La position particulière, c'est humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et vous élèverez autant convenable. Voilà la position, mon cher ami. Tu ne mets même pas, je rentre dans le monde. Tu rentres, ça achète, ça enlève dès qu'il est devant Dieu là. Ça salit le ciel. Tu pêches, la Bible déclare dans Jean que si tu pêches, tu ne te nuiras qu'à toi-même et à ton semblable. N'est-ce pas, bien-aimé? Tu vis justement sur la terre, c'est lui. Quand tu es sur la main, tu fais. Tu as d'abord demandé à Dieu d'écouter. Après, en plein, tu veux que la mangue. Vous remarquez comment les gens sèment la mangue. On plante la mangue, ça produit. Dieu décide que ça produit des fruits. Les gens viennent attacher les tissus rouges avec les crânes des chauves-souris sur ça. Que quelqu'un monte ici là l'épilepsie. La mangue de Dieu. Que j'ai mis le remède sur ça, quelqu'un traverse. Oh frère, vous mettez ça, j'ai soif. Je prends ça, vous faites tcha. Le monde d'abord, quelqu'un pour moi, il me le suce. La mangue de mon père, on met l'interdit sur ça. Donc, il y a une position, d'accord frère? La position de l'humilité. Il peut seulement être. Approchez-vous avec humilité. Avec humilité. C'est ça qui fait ressortir dans cette prière que Jésus a appelé à ses disciples. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. C'est ça que Jésus veut dire. Sachez qu'il est grand au-dessus de vous. Alors quand quelqu'un est grand au-dessus de vous, tu vas se mentir. On dit que quoi? Si quelqu'un est grand, dites quoi? Comporte. C'est ça. Amen. Mm-hmm. Maintenant, comment être humble? Quels sont les signes extérieurs de l'humilité? Quels sont les signes extérieurs de brisement? On commence à toucher maintenant la prosternation. Tu vois ça, frère? La prosternation. Pour montrer qu'on s'humilie. Alors maintenant, on commence à avoir des ambiguïtés. Quelqu'un peut faire comme ça, là. Alors que son cœur est orgueilleux. Il est prosterné physiquement, mais le cœur est orgueilleux. C'est ça que ça commence dans le cœur. Est-ce qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu dans notre vie? D'abord. Si on reconnaît la bassesse de notre vie terrestre. Est-ce qu'on reconnaît la souveraineté de Dieu dans nous, que Jésus est Seigneur? Si on reconnaît cela, alors vous allez remarquer qu'automatiquement, vous allez vous prosterner. Vous allez vous prosterner, vous allez sentir que ça ne suffit même pas. Vous allez vous coucher, n'est-ce pas, frère? Je parle aux adorateurs là. Quand toute personne, quand il raconte, regarde votre Isaïe, quand il voit le Seigneur comme celui-là, regardez Daniel, allez, quand il voit le Seigneur comme celui-là, comme au sol. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Apocalypse. Il était celui de parmi moi, j'ai entendu une voix que quand il vit que le vide tombait, parce qu'on dit, ouais, n'est-ce pas? C'est ça automatique. Papa, oui. Tu vas pas Apocalypse. Ah, c'est que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Autre question? Papa, il y a encore une question aussi, c'est où? Papa, c'est où? Oh, Waouh, c'est ça. Maman. Sois béni, frère. Sois béni, sœur aussi. Maman. C'est quoi la crainte de l'éternel d'après? Tu peux faire le service. Tu fais le service, n'est-ce pas? Je lis ça. Hein? Et tu permets de lire et de travailler, n'est-ce pas? Hein? Okay. Donc, c'est quoi la crainte de l'éternel d'après la sainte parole du Seigneur? Et comment il marche? Waouh! Quelle question! Bonne question. Donc, chère personne qui a posé cette question, si on va répondre à cette question, si incessamment, on va rappeler cette question, ce qu'on répond, c'est la crainte de l'éternel, d'accord? C'est pas juste une chose qu'on peut répondre comme ça, il faut vous donner les versets, des exemples dans la Bible. D'accord, bien-aimé? Donc, la chère personne qui a posé cette question, si on va voir cela. Elle essaie aussi, c'est pas ici, c'est à la nuit de prière ou n'importe comment. Verset 2. Deuxième question. Tu avais dit que tu devais nous parler du sang de Jésus. Voilà encore. Vous voyez à quel moment on pose la question là. Du sang de Jésus. Du sang, de toute façon. Hein? Du sang. Puis particulièrement de Jésus. Comme ça, on va voir pourquoi les premiers jours disent, par exemple, quand on avait la transfusion sanguine. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang, comment le sang est composé. Et on va parler sous la direction des scientifiques. On va maintenant trouver la science. Et en particulier, le sang de Jésus. Comment on utilise pour la prière? Que je verse dans le sang de Jésus. Coupe ça sur ma maison. J'espère sur moi, c'est grave. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. D'autres me disent, ouvre ta bouche, bois le sang de Jésus. Bois le sang. Vous avez entendu des choses? Quand aussi boit, tu entends. Mais c'est terrible. Que bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu es un cannibale ou quoi? Dieu a dit que vous ne mangerez aucune chose avec le sang. Quelqu'un te dit que tu bois, toi tu bois seulement. Bon, encore qu'il n'a pas ça à sa disposition. Donc vous buvez autre chose en dehors de ce sang-là. Mais c'est grave. Vous avez subi de ces choses comme ça. Hein? Donc vous allez vomir le sang de Jésus là ici. Donc après avoir vu cela, au travers des écritures, on va vomir tout le sang qu'on a bu. N'est-ce pas? Hein? Mm-hmm. Verset numéro 3. Ah, ok, donc les questions sont liées. Il y avait parlé du sang et du sacrifice que Dieu agrée. Bien aimé, c'est une bonne question. Il veut donner ça, c'est, après avoir, il veut donner ça à quelqu'un pour que vous arrêtez ça, d'accord? Un des sujets qui a su me donner ça, on voit un panneau. On va le voir distinctement. La crainte de l'éternel, c'est ça seul. On doit faire ça seul. Les deux si, le sang, parce que le sang est lié au sacrifice. On va le voir lié. 4, là, le numéro 4. L'éternel dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30, la partie B. Je crois, la personne quoi? Après avoir pris le temps pour écrire. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est ce qui est écrit là-bas. Comment honore-t-on l'éternel? Waouh! Quelle personne a écrit cette question? Il y a des gens vraiment ici là, franchement. Vous cassez chemin dans votre salle. Voici des choses qui suscitent des enseignements vraiment loin de Dieu. Comment honorer le Seigneur? Donc, chère personne, on va répondre à toutes ces questions-ci, question après question. D'accord, donc samedi, venons à 16h exactement. Samedi à 16h exactement, il va commencer à enseigner. Peut-être qu'on va prendre l'une de ces choses-ci, si le Seigneur le permet. Comment honore-t-on, l'Éternel, et comment puis-je mépriser Dieu? Waouh! Tu vois, Mzako Bella, la personne qui a posé la question, ne se trouve même pas ici. Elle pose une partie, on ne répond pas derrière, elle n'est même pas là. Le suivant dit, je me dis pour le mépriser, en vrai, de répondre à la question qu'elle a posée. Je me dis pour le mépriser que... Mépriser l'éternel, c'est d'être désobéissant envers sa parole. Et l'éternel, c'est de lui obéir. En fait, elle a répondu, et c'est même le résumé même des deux. Frère, je veux savoir si ma réponse à cette question est vraie. C'est vrai, chère personne. Absolument vrai et totalement vrai. Qu'une personne ne te trouble pas. C'est pour cela que j'ai d'abord posé la question sur le papier. Bon, c'est bien. Donc maintenant, en dehors du fait, c'est le résumé. Le résumé, c'est que le déshonoré, c'est faire, n'est pas faire sa parole. D'être désobéissant. L'honoré, c'est faire ce qui lui est agréable. D'accord? Alors, donc, c'est le résumé. Maintenant, il faut qu'on voit cet enseignement dans la Bible établie. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, chaque personne va y revenir en profondeur. Tu as totalement raison. Que le Seigneur vous bénisse. Donne ça à qui tu as mis. Regardez ça. C'est donc ça. C'est même balancer ça. Il n'y en a plus jamais venu ici. Donc, je donne ça ici. Donc, tu dois te faire un peu plus. Tu fais rien. Donc, il n'y a pas encore l'eau. Ça, c'est pas la question. Mais c'est l'échographie de quelqu'un qu'on va me donner, c'est quoi? La question, maman. Mère Thérèse est dans Ange Gabriel. Pourquoi c'est que le serment dit, voilà? De quoi il est question quand on parle de neuf anges? Ma part est venue aussi. J'ai téléchargé une image ici. Oh! En fait, c'est aussi des bonnes choses. Ok. Merci, chère personne également, qui a amené cette chose ici. Ok, regardez. Si ma mémoire est bonne, si ma connaissance est bonne, cette chose ici, une personne l'a reçue dans sa boîte email. On lui a donné que tu as tel nombre de temps pour envoyer à telle personne pour que telle chose se passe dans ta vie. Et la personne cite des noms de personnes comme ça, la lettre d'un courrier et envoie. Et les chrétiens sont dans le temps. C'est-à-dire que vous, dans votre email, on dit que ne sois pas égoïste. Ouvre cette chose, cette lien, c'est négatif pour toi-même. En fait, nous, dans votre photo, vous avez reçu le message. Envoie ça à 10 personnes, à une personne, et Dieu va avoir ton attention. Donc, pour que Dieu réponde à ta prière, pour que tu donnes la problème à une personne, c'est ce qu'elle dit. Je crois que les choses ne posent comme une personne positive, qu'on arrête de telles choses qui sont négatives. C'est l'une des choses. Donc, cette personne envoie cette email à quelqu'un. L'objet de ça, c'est ange. Alors, on montre cette personne, c'est censé être juste. On dit, je souhaite que ça marche pour toi. Moi, j'ai déjà commencé à recevoir du bon. Attention, dans 8 minutes, c'est 9 anges qui interrompent durant les 9 prochaines années. Voilà les 9 anges. Voilà les 9 anges. Wonderful. Il y a même les angetons, hein, là-dedans. Donc il y a les grands anges. Ah, les catholiques vont nous tuer. Voici, il y a un angeton là-bas. Peut-être c'est l'office de l'ange ici. Il y a un petit ange là-bas. Il est petit, avec une petite aile là-derrière. Regardez, vous voulez, voici, vous les voyez. Oh frère. Et je voudrais parler un peu de la Shekinah. Donc vous attendez Shekinah, Shekinah. Il ne parlait pas de la gloire de Dieu, c'est pas ça. C'est un démon féminin. Je vous avais expliqué ça. Là voici. Donc ma chère soeur, on finit les ailes avec les boulons au bout. Vous attendez la maison. Donc pourquoi ces téléchargements d'images pour amener les gens, pour répondre à des gens? Pourquoi ces téléchargements d'images pour amener les gens? Dieu avait dit à Horeb, si vous lisez votre livre, verset 4, verset 15, verset 16, il dit que nous n'avons plus aucune divinité, nous ne pouvons plus en dire à Horeb. Il dit que venez attentivement sur vos âmes. Ce que Dieu a averti dans l'Ancien Testament, c'est que les gens sont en train de faire. Vous allez voir, on va dire que taureau, si vous êtes taureau, votre ce qui est votre signe, les gens sont allés à cette position, à cette tournée vers la main céleste. Et à vous offrir, à leur rendre inculte. Leur rendre inculte, c'est avoir l'approbation, avoir des prosternations, un signe d'intimité avec eux. Il dit que de peur que ces prosternants devant toute la main céleste, vous voulez vous souiller avec eux. Et Dieu insiste encore vers attentivement sur votre âme. Ça veut dire que c'est l'âme humaine qui est en enjeu. Vous voyez, les gens font les neveux, pour ceux qui ont fait les rites catholiques là, il y a ce qu'on appelle les neuvaines, de 40 jours, tous les 9 jours, il y a des certains anges que vous allez invoquer le mercredi, l'ange pour faire telle chose, l'ange le protecteur, l'ange ici. En faisant telle chose, ce sont les démons que vous invoquez. Dieu ne peut pas envoyer des anges comme ça. Dieu n'a jamais, il n'y a pas un seul verset biblique dans votre Bible qui dit qu'un homme adresse un parent à un ange pour lui demander quelque chose. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit que les anges sont des esprits envoyés. Quelqu'un dit esprit envoyé. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? On n'a pas dit ce sont les esprits à appeler. Où est la différence, n'est-ce pas? On dit ces esprits-là, ces anges-là sont les esprits envoyés au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc c'est Dieu qui décide de les envoyer. On dit qu'au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Est-ce que vous entendez? Fut envoyé vers une femme dénommée David. Elle s'est présentée devant David. Il s'est présenté devant David. L'ange, la femme ne lui a jamais dit que je vais accoucher un prophète. Je vais accoucher, comme les gens parlent de confession de la foi. Je parle à mon ventre, je vais accoucher sans avoir conçu d'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Non, elle n'a pas fait cela. Elle partait porter peut-être son bois ou bien sa nourriture là tranquillement. Elle s'est retournée. Comme quelque chose, la personne est venue. Il dit que ne crains pas, Marie. Il te salue. Toi à qui une grâce particulière a été faite. Il dit que tu es béni entre les femmes. Pas entre toutes les femmes catholiques. Pas entre toutes les femmes. Ce n'est pas écrit toutes. Entre. C'est que tu es béni entre les femmes. C'est différent. D'accord? Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette salutation? J'ai été envoyé. Vous comprenez? Dieu l'a commissionné. Un ange ne peut pas descendre du ciel seul parce que tu l'as appelé. Jamais. Si tu appelles n'importe quel ange, viens à mon secours. C'est un démon qui va venir pour nous représenter. Où est-ce qu'on en est? ouais, des choses qu'on a fait, non? Comme mercredi, tel mercredi, c'est un tel ange qui passe. Il passe, il part où? Faut l'appeler. Ah, ma soeur, c'est un délire. J'ai l'impression que ce sont les choses. De raconte-nous ton histoire. La fesse, vous savez, je parle, il peut mal parler parce que je n'ai pas été dans cette histoire-là. Quand ça vient là, je parle tout simplement. Ma soeur, tu as un délire. J'ai l'impression que tu as envoyé l'archange qui blogue Gabriel, qui disputait ses ennemis. Dis-nous, c'est quoi? Non, voici, c'est que bon, ce sont des choses que j'ai vécues. Où j'étais avant de venir ici. Oui. Un jour, je marchais, j'ai rencontré un monsieur. Et il me parlait de l'ange de miséricorde. L'ange de miséricorde. Oui. Il voilà. Dit que l'ange de miséricorde, lui, il se présente le vendredi. Mm-hmm. Que c'est l'ange de l'air. L'ange de l'air. Oui. Que lui, il se manifeste dans l'air. C'est Satan, pas vrai? C'est lui qu'on appelle dans la Bible le prince de la puissance de l'air. C'est lui. Quand il va... Bon, d'après tout ce qu'il expliquait, et puis je voyais comment ça me fait les avances, puisqu'il est pasteur. Après, tu as fait les avances. Pour dire maintenant qu'il est l'ange physique. Tu es vraiment pasteur. Tu n'es pas, tu dois pas me faire un tel tout pareil. Tu lui as dit parce ça. Parce que moi, je ne fais pas ces choses-là. Tu lui as dit ça. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, non, il va soit, il va être juste en excès. Bon, quand j'ai vu sa façon de faire, bon, j'ai fui. Moi, bon, il a dit que comment on fait pour que l'ange de miséricorde là vienne en ton secours? Comment il fait? On n'a pas assez causé parce que moi j'étais pressée, je ne voulais plus l'écouter. J'avais peur qu'il risque de me faire quelque chose. De toute façon, vous dans la salle, est-ce que vous avez un côté tout ce qu'on a dit par rapport aux anges là, les façons de prier, les capteurs et autres là-bas, n'est-ce pas? Les neveux, il y a même les livres là. Les jours. Avec les heures. Après, j'avais dit père, c'est un père. On donne une prière particulièrement pour elle. On fait les. Vous appelez les rosaires, c'est rosaire ou c'est. Ce sont des bêtises, ça n'a pas, ce n'est pas dans notre Bible, d'accord? Non, c'est Dieu qui décide pour envoyer les anges. Et un ange ne descend pas pour rien. Un ange ne descend pas pour rien. On a l'armée des cieux derrière nous pour combattre, quand c'est nécessaire. Vous comprenez bien le but? Ce sont les fautes qu'on a fait là-bas, on a livré nos âmes pour pas. En faisant comme ça, les âmes sont à Satan. Ça, ça rend le corps. Mais quand tu parlais, je ressentais la chair de poule, mais après je me suis rendu compte que la façon d'avoir cette chair de poule n'est pas bien. C'est pas la bonne chair de poule. Oui. Mmh. Que ta chair de poule, c'est, ah, j'arrive. Que ta chair de poule, c'est peut-être pas la bonne chair de poule. Elle parle comme ça, là, elle a la chair de poule. Elle a la chair de poisson. Oui. Dieu ne nous a pas demandé d'invoquer un ange. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible. Daniel s'est tourné comme ça, assis subitement à côté du fleuve et des quais. Si vous lisez dans Daniel chapitre 10, il a vu ce grand ange qui s'est tenu là-bas. Il a parlé, il a commencé à pleurer. Les gens ont fui à cause de la vision. Lui seul voyait, mais les gens connaissaient qu'il y avait une présence là-bas. Après, il dit Daniel, depuis quand tu as prié là, j'étais envoyé, je suis sorti comme ça du combat. J'étais envoyé ta parole, c'est à cause de la parole que je suis venu. Il a prié Dieu, Dieu a envoyé, dit que comme tu as envoyé, descends pour lui dire tes choses. Je suis venu pour t'expliquer. Elle a dit, pour comprendre la vision. Les choses que tu as vues, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé, d'accord? Mm-hmm. Donc, mon ange, vous appelez, il y a d'autres qu'on appelle mon ange gardien. Mon ange gardien fait ceci. Oh, c'est grave, pas vraiment, chers amis. Dieu a dit dans sa parole que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce qu'on craint l'éternel, oui ou non? Si on craint, il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça règle le problème. S'il veut se manifester, lui-même il se manifeste. S'il veut envoyer un ange, il l'envoie. S'il veut envoyer, il te donne autorité pour que tu parles à un événement, tu parles. Est-ce que vous comprenez? En fait, voici donc la chose. Si vous vivez très proche du Seigneur, ce sont des gens qui vont vous attaquer, qui vont voir la protection que vous avez. Vous n'êtes même pas conscient de la protection que Dieu a mis au côté. Vous savez ce que je me dis. Quand par exemple, les soldats de la Syrie sont venus pour attraper Élisée, celui-là n'était pas conscient, Géasi n'était pas conscient parce qu'il vivait dans la cupidité. C'est pour ça qu'il ne voyait pas. Il ne veut pas dans la cupidité. Donc il était dans le ministère là pour dire que le jour où la finance tombe, je joue mon ministère. Le jour où Dieu résout mon problème, que je me marie là-bas et quitte le ministère là, il n'y a plus seulement un coup pour moi. Il ne voit pas la protection. Alors conséquent, il avait peur parce qu'il vivait dans la nature, dans l'état naturel. C'est pour ça qu'il dit que les enfants du Seigneur doivent vivre dans le surnaturel. Alors quelque chose est censé arriver, surtout quelque chose, les circonstances crèchent et puis ça quitte. Vous savez, n'est-ce pas? Et lui, il n'était pas comme ça. Élisée, lui, il n'était pas comme ça. Quand il s'est tourné là-bas, il a vu les soldats là-bas. Il a continué. Peut-être il avait ses prunes qui brûlaient. Il mangeait. Donc tu dis que tu manges des prunes comme ça, on est fichier aujourd'hui. Là, le ministère là, c'est terminé. Il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Quand il s'est retrouvé, il a vu les soldats là-bas. Quand il a vu la main, Seigneur, il a dit que mon ami, venez tenter ici. C'est pas le bébé pour faire la venez tenter parce qu'il a vu les gens quand ils ont fait quand il a vu que là, c'est grave. Or Dieu ne veut pas qu'on soit orgueilleux comme ça. Il faut qu'on ait foi, c'est-à-dire que même si l'inquiétude va n'importe comment, c'est ce qu'il a voulu enseigner aux disciples dans le bateau, qu'elle était dans ces canaux-là et que ça a commencé à chavirer. Quand même il était là, avant de dire, entrons là-bas, jusqu'à ce qu'il commence à dormir, il dormait profondément, ça fait brou brou, l'eau entre, il ne fait rien. C'est le test, il veut savoir jusqu'à quel niveau, il veut savoir s'ils sont en côté de lui, rien peut leur arriver. Le gars là, sinon il a trop chaud, il verse le gars. Quand il verse 1 litre, 5 ans, il dit, Jacques, tu ne fais pas, qu'est-ce que tu fais là-bas, me tout ce qui sort. Quand c'est grave, il dépose, il dit que, mec, tu continues à dormir, ça c'est ton niveau maintenant. Nous périssons, il dit pas que nous sommes morts, nous voyons, il dit périssons, non, c'est l'enfer là qu'il a dit. Ah, Seigneur, nous périssons. Donc c'est là, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Silence. Vous disiez quoi? Le gars avait le reste des tremblements, il dit que non mais on ne disait rien, c'est que ceci a dépassé le bac. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire que je sois là physiquement ou bien conscient, ça ne change pas l'état. Le problème qui est là n'est pas un problème. Il faut avoir le regard fixé sur moi. Pas comme le pensée positive va dire qu'il faut regarder le problème, face à face. Quand il y a un problème, écoutez bien, le contraire de ce que les pensées positives enseignent, ils disent que Dieu a dit qu'on regarde les problèmes, vous avez suivi ça, pour ceux qui étaient là, vous avez suivi ce qu'on a dit, non? Que Dieu a dit que les problèmes se règlent en face à face. C'est pas en face à face. Les problèmes se lèvent, il y a un problème. Je donne ça au Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il y a un problème ici, je fixe Jésus pour voir ce qu'il va faire de ces problèmes-là. C'est pourquoi le problème a été suscité. Parce que les situations arrivent dans nos vies pour nous pousser à glorifier Dieu au travers de cela. D'accord, bien-aimé? Donc les anges là, le culte d'anges, faisons attention. Je crois qu'il y a un enseignement qu'on a fait ici, réformons-nous, on en a parlé dedans. Par rapport à Jérémie chapitre 7, que les enfants cherchent du bois. Les pères font ceci pour papa, les femmes pour pas le gâteau à la reine du ciel. J'ai parlé de l'association des malfaiteurs spirituels. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La pureté des anges, la reine du ciel. Donc faisons attention. Il est 10h bientôt. On peut arrêter, n'est-ce pas, mon ami? Oui, question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut prier, ayant le temps que nous prenons, à l'heure de manger, il a chaud, il a l'air de manger. Ouais. En fait, ne rions pas, c'est normal. Je réponds la question autrement. Tu peux être en train de laver en priant. Non, j'ai dit, hein. Est-ce que si on le fait, si je suis sous la douche, l'eau en est tombée sur moi, est-ce que je peux prier Dieu pendant que j'en ai fait cela? Après, là, c'est pas seulement ton torse qui est nu. J'ai dit ceci. Je te pose la question, est-ce que je peux prier Dieu avec le torse nu? J'ai dit ceci. Est-ce, je te pose la question, pourquoi vous dites saisir c'est la chose. Si je suis sous la douche, je vais me laver. Est-ce que je peux prier Dieu? Un frère, il dit non. Comment tu bouges la tête comme ça? Tu dis, tu fais le signe de quoi comme ça? Voilà la tête. Tu dis oui, non. C'est quoi? Oui ou non? Alors là, je dis donc à la douche, donc là, tu n'as pas seulement le torse qui est ouvert. Donc tu as compris la réponse, n'est-ce pas? Ok. Autre question. C'est que Dieu veut qu'on couvre en priant au devant de lui. Pour les cheveux, les femmes, la poussée extérieure, c'est les cheveux là, elles doivent le faire. Au plus maintenant, pour tous les êtres humains, c'est que le cœur soit purifié. D'accord, frère, c'est ça. Ici, parce que tu peux faire la prière à Dieu sans ouvrir la bouche. D'accord. Donc, je crois qu'on va venir, on va encore voir la prière ici, et regarder ce qu'on avait dit la dernière fois, les dimensions, les choses qu'il faut que les pensées se bombardent par rapport à la femme prière là. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut examiner s'il n'y a pas la nudité du péché à l'intérieur. C'est qu'on a parlé à l'église d'Apocalypse 3, là. C'est la dernière église. Que tu es aveugle, misérable, pauvre et nu, et tu ne sais pas. La nudité, le péché. D'accord? Donc, il faut seulement regarder que c'est ça qui est sur le cœur, c'est ça qui dérange. Lorsqu'on commence, ça doit s'arrêter par le Saint-Esprit. Donc, ne vous surprenez pas qu'on arrête en milieu, ou bien un esprit comme ça, on prêche comme ça jusqu'à le lendemain encore, dimanche, notre jour. Soyez en sudant, en venant, préparez-vous. Que toute éventualité peut se passer. On est d'accord, non, frère? Tu dis comme ça, après tu fous pas de vous dormir sur la table. Donc je prends deux ou trois questions encore en dernier lieu pour accomplir les 5 minutes qui est là. Oui, frère. Mathieu 11, verset 11. Oui. Jean-Baptiste. Oui. Donc, qu'est-ce que. Les femmes qui sont nées, les gens qui sont nées un peu par où, bien le plus petit, lequel de voler? Quelle est la question? Ou bien tous les volets? Le frère dit que Balanel lui répondant ensemble. Dans la Saint-Matthieu chapitre 11, on parle de Jean-Baptiste une fois de plus. dans ce genre, Matthieu chapitre 11, les disciples de Jean-Baptiste sont d'abord venus dire à Jésus, demander à Jésus qu'est-ce que Jean-Baptiste nous a envoyé. Il te demandait que est-ce que tu es celui qui devait venir ou doit-on encore en attendre un autre. C'est bien ça, frère. Il leur a dit, allez leur dire ce que vous voyez. Après avoir guéri les malades là au-devant, je prends les évangiles mélangés. Après, il leur a dit, viens, restez ici. Ils sont restés, il a guéri les malades, prêché la bonne nouvelle aux autres. Après, il a dit, allez donc raconter à Jean, voilà la réponse de Jésus. Allez raconter à Jean ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est prêchée. Vous allez, vous parlez des réponses des questions à un prophète hein, et les réponses du prophète. Il n'a pas dit que non, c'est moi. Laisse comme ça, c'est moi. Il a dit que, allez dire que les aveugles voient, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée, le roi a annoncé. La Bible déclare que pendant qu'il partait donc, il s'est mis à dire à la foule, pas à ceux-là maintenant. Il a transmis le message à Jean-Baptiste. Et rassurez que Jean-Baptiste a compris. Jean-Baptiste a compris. On va venir lancer le volet là. Parce que la question n'est même pas posée. Donc, je vais répondre à tout. Pendant qu'ils sont déjà partis, le Seigneur Jésus se tourne et dit que qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Vous êtes allé voir quoi dans le désert? Et c'est en plein désert qu'il prêchait là-bas. La rivière la passe dans le désert. Les gens venaient lui pour être baptisés. Et qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Qu'êtes-vous donc allé voir? Roseau agité par le vent. Vous savez le roseau? Les plantes comme blanc en bordure de l'eau là. Le vent va comme ça, waouh, ça va comme ça. Qu'on ne peut pas la dire, on ne peut pas la dire, wow, je ne peux plus la dire. Dans notre assemblée, non, je peux te montrer qu'on peut la dire, wow, non, je ne peux pas la dire. Roseau agité par le vent. Donc il ne peut pas tenir ferme contre tout ballonnement, ballottement, n'est-ce pas? Il dit, vous pensez que Jean-Baptiste c'est comme ça là où un jour je suis chez les pharisiens, un jour je suis chez les sadducéens? Non. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Plus qu'un prophète. On va d'abord répondre à la question. En quoi il est plus qu'un prophète? En quoi il est plus grand? D'accord, frère? C'est Jean-Baptiste lui-même qui va le. Les disciples vont venir rendre compte à Jésus que si vous lisez maintenant dans le livre de Jean au chapitre 3, les disciples vont venir rendre compte à Jean-Baptiste que maître, celui que tu as annoncé l'autre jour, tu as montré le hier là, que voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Tous vont à lui, donc le ministère est fini. Hein? Que le ministère c'est grave là maintenant là. On va faire comment? Vous voyez que si les ministères étaient bâtis sur l'agenda là, c'est que Jésus-Christ et Jean-Baptiste devaient avoir au coup de poing. Permettez-moi de répondre comme je réponds comme ça, c'est ma façon de répondre aux questions, d'accord? C'est pour ça que j'amène des choses comme ça, des histoires pour tenir en éveil, pour que vous restez pendu comme ça, qu'est-ce qu'il a déjà raconté encore? Oui, et puis il vous donne la chose. Il dit, maître, c'est dans Jean chapitre 3, maître, celui que tu as montré hier, que tu as dit que c'est le voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Et les paroles de Jean-Baptiste, si vous comprenez bien, il veut dire en réalité, bon, en fait, c'est celui qui est le grand pour lui, c'est ce qu'il veut dire. Il dit que voici il baptise et tous vont à lui. On n'a pas dit que c'était une personne, il dit tous vont à lui. Effectivement, le ministère de Jean-Baptiste était de préparer le cœur pour le Seigneur. Après lui-même, il a dit, Jean-Baptiste, il a dit, vous m'êtes témoin que je vous ai dit que je n'ai été envoyé qu'au devant de lui. Je ne suis pas lui. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il dit, mais c'est Jean-Baptiste qui répond aux paroles des questions que tu as posées là par rapport à Jésus et ce que Jésus a dit. Toutes les paroles que Jean-Baptiste dit répond à toutes ces questions. Il dit, vous m'êtes témoin que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Mais je n'ai qu'été envoyé qu'au devant de lui. Donc il savait exactement qui était, à qui quel était son ministère et devant qui il devait être marché. C'est lui qui a répondu ça. On va répondre à une question maintenant qui est fondamentale. Pourquoi Jean-Baptiste a-t-il envoyé se poser cette question? Et le frère a dit, oui, c'est comme ça. Alors, je n'ai été qu'envoyé au devant de lui. Après, il dit que celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux. Donc, il a la position de l'ami de l'époux. Ah, c'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est lui qui répond à cette question. Il dit que, regardez bien dans 1 Jean chapitre 3, au verset 27, il dit que il faut que lui, il croisse et que moi, je quitte la scène. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, frère? Lis le verset 27 de Jean chapitre 3, voir, à haute voix. Verset 27. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Oui, continue. Vous-même m'êtes témoin. Oui. J'ai dit, je ne suis pas le Christ. Oui. Et j'ai été envoyé devant lui. Conclusion. Oui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est tout. C'est exactement ce que je dans l'esprit ici maintenant, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce que tu as dit? Mais la vie de l'époux qui se tient là depuis longtemps éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Stop! Voici donc la révélation de Dieu pourquoi Jean-Baptiste est appelé le plus grand des prophètes. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire là maintenant. Merci Père, merci Père, merci Père. Bien-aimé dans le monde entier, si vous aviez des problèmes, c'est ici dans la révélation. Il dit, oh mon Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il répond souvent, ça n'est pas vrai. Maintenant, voici la réponse, voici, c'est exactement comme ça. Il dit, l'ami de l'époux qui se tient là, c'est uniquement dans ce sens-là que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Ce n'est pas grand dans le sens où il est plus colosse, ou bien plus grand, ou une grande onction. Ce n'est pas grand dans ce sens-là. Ce n'est pas ça que mon Seigneur nous dit. Ce n'est pas ça que la Bible déclare. Il dit que plus qu'un prophète, ce n'est pas de cela. Une grâce particulière a été donnée à Jean-Baptiste parce que beaucoup de prophètes ont suscité, on blasse son dent, on voudrait voir nous-mêmes cela. Seigneur, fais-moi voir. Moïse lui-même a dit, regardez bien, comparez Moïse à Jean-Baptiste par rapport au ministère, regardez les œuvres que Moïse a fait, vous allez contredire jusqu'à dire que non, Jésus n'a pas bien jugé. Comment peut-il dire que Jean-Baptiste est plus grand? Regardez ce que Moïse a accompli, si on parle en termes de, pas vrai? Maintenant, c'est Moïse a dit que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il cherchait à voir Jésus, je vous ai déjà montré ça ici. Il voulait voir Jésus. Aïe, aïe, aïe, aïe. Vous savez, n'est-ce pas? Dans Exode chapitre 32 et 33, il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus, il voulait que Dieu lui montre Jésus, la révélation de ces choses. Parce que Moïse savait très bien qu'il allait manifester quelque chose qui va venir dans le futur. Le Nouveau Testament nous dit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi que Moïse est parti sans regarder la menace de Pharaon. Parce qu'il regardait le peuple de Christ. Comment il pouvait regarder le peuple de Christ en étant en Égypte? Et la gloire qu'il devait en dépendre. Donc depuis l'Égypte, il a vu Christ à la croix. Quand vous parlez de vision. Il dit même Moïse a vu Christ crucifié. Vous me regardez? C'est pas ce que la Bible déclare. Comment il regardait le propre de Christ comme une joie? Parce qu'il regardait, plutôt, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il regardait Christ ici. Il y a la souffrance avant la croix, la souffrance. La croix, c'est l'apothéose de la souffrance. Après la croix, derrière la croix se trouvent donc les promesses accomplies. Derrière la croix se trouvent donc les promesses. Je dis ceci. Avant la croix, si vous êtes devant la croix, en marchant en avant vers la croix, quand vous marchez devant la croix, il y a la souffrance. La souffrance va croissant jusqu'à la croix. La croix, c'est l'apothéose de la souffrance. Et quand l'apothéose est passée, après la croix, quand vous descendez de la croix, vous entrez maintenant dans la joie de la promesse. Et après, donc, ça, c'est la gloire. Il n'y a plus de souffrance après la croix. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, je dis donc que Moïse, par rapport au prophète, c'est pour que vous compreniez le langage du Seigneur Jésus. Quand il parlait de plus grand qu'un, plus qu'un prophète, il ne veut pas dire que c'est parce qu'il est trop grand, si on met les balances comme ça, on joue. C'est pas de ça dont c'est les questions. C'est par rapport au don et de la grâce que Dieu a accordé aux différentes dispensations. C'est ça qu'on veut lui parler. Il veut dire qu'il a le prix. Et c'est ce que Jean-Baptiste veut dire. Si Jean-Baptiste veut parler avec le terme politique, un président est là. On appelle que c'est telle personne, la fille de telle personne qui va lui remettre la fleur au président qui va venir. Parmi tous les enfants des ministres, on dit que c'est l'enfant de tel préfet, le doigt la 5 qui va donner la fleur. Alors si cet enfant parlait en langage politique, il va dire que grande est ma joie d'avoir été choisi pour donner le bouquet de fleurs au président de la République. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, frère? Alors, voici notre problème. Lis encore ces versets, je veux dire que tu stoppes là. Suis ce que Jean-Baptiste va dire. Écoutez bien. Mais l'ami de l'époux. Celui à qui appartient l'époux. Oui. Mais l'ami de l'époux se tient là. Stop, voilà ça. Voilà votre réponse, frère. C'est à cause du fait que Jean-Baptiste se tient à côté de l'époux pour voir que tout ce qu'on a prêché, Abraham, Isaac, Jacob ont prophétisé, lui, il est en train de vivre en direct. Donc Jean-Baptiste était celui donc qui a mis la. Écoutez bien, chers amis, qui a mis le pied dans l'Ancien Testament, mettre le pied dans le Nouveau Testament. Et de toi qui étais prophétisé, de venir. Vas-y. Oh frère, voilà votre prophète. Voilà votre prophète. Dieu merci, il a tellement arrangé la chose dans ce que Jean-Baptiste ne guérit même pas SMA, même pas les maux de tête. Pourquoi on ne dit pas que c'est à cause de cela? Il a seulement prêché, repenté pour que Jean-Baptiste va. C'est pas vrai? On dit que Jésus, mais Jésus dit que, mais plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète, comment? En fait, cette question-ci résout la deuxième partie de la question, mais le plus grand dans le royaume. On va arriver là-dessus. Alors Jean-Baptiste tient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le dernier prophète. C'est ça qui a renversé les gens qui croyaient que Jean-Baptiste est le dernier prophète. Donc après Jean-Baptiste, il n'y a plus de prophète. Curieusement, après Jean-Baptiste, on voit un Jésus. Jésus, on l'appelle fils de l'homme, donc c'est un prophète. Vous voyez le problème là, non? Parce que la théologie, une fois de plus, Donc c'est le dernier prophète au sens de l'annonciation. Regardez bien. Il a dit que tout, regardez bien, pour comprendre le langage de Jésus, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Il n'y a pas d'écriture que Jean est censé écrire. Il doit dire, voici c'est le nom dont on parlait. Le voici. Donc Dieu a choisi la personne qui devait l'annoncer. Parce qu'il avait dit dans Malachi que voici j'enverrai mon messager devant moi, il faudra le prendre sur l'éventuel au Seigneur dans le temps prochain. C'est pas ce qu'il écrit. Ah mon Dieu, c'est merveilleux. Alors maintenant regardez ici. Quand Jean-Baptiste tient là-bas, Jésus dit, j'ai dit bien ces deux phrases que j'en ai citées. Depuis le temps de Jean-Baptiste, vous savez, le royaume de Dieu a annoncé et les gens utilisent des violences pour s'en emparer. Je m'excuse, j'ai là placé 5 minutes, c'est parce que c'est tellement excitant, parce que ce que j'en ai recevoir, c'est merveilleux. Alors qu'est-ce qui arrive? Jean-Baptiste met son pied dans l'Ancien Testament. Il met le pied dans le Nouveau Testament. C'est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La transition. Le prophète de la transition. Le prophète qui quitte de l'intérieur de la Bible pour parler. Il est touché dans la Bible, on parle de lui, il se lève. Vous voyez ça? Tout ce dont on a parlé de Jésus, il fallait que Jésus, la parole fait chair, se manifeste. Jean-Baptiste était couché aussi là dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. Il dit, qui es-tu? Identifie-toi. Il dit, je me trouve dans Ésaïe chapitre 40, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Ça a fait chair dans un être humain. Préparons le chemin du Seigneur. À placer ses sentiers. Le voilà. Il a quitté la Bible. Quitté. Il dit l'ami de l'époux. Il dit, le simple fait. Ce qui me plaît, ce n'est pas le fait qu'il soit prophète. C'est le simple fait que je me tiens devant lui pour écouter la voix. Que c'est merveilleux. Le Nouveau Testament nous dit donc que dans le livre, il dit que plusieurs prophètes ont fait de salut qui vous a été destiné l'objet de leur investigation. Voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit qui était en eux. Il a pu révéler que ce n'était pas pour eux. Qu'ils étaient seulement les dispensateurs de cette grâce-là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, remarquez très bien, Saverne dit, d'après le langage biblique, Saverne dit que si on demandait à Abraham que tu voulais sortir à quelle époque, il devait dire jamais pas à l'époque de celui de mort. À la fin, on veut les chrétiens. C'est exactement ce que ça veut dire. Si on demandait à Moïse que si Dieu voulait demander à quelqu'un que je t'envoie à quelle époque, si Moïse voit le film de toutes les époques, il voit sa part, les déserts, les choses qu'on va l'insulter dans les déserts. Et les jeunes qui vont faire là, ils vont dire non, non, Seigneur, envoie-moi à l'âge de l'église de la Odyssée. C'est là où il devait demander. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc tout ce que nous voyons, la convergence, là nous soupirons là. C'est ça que Jésus a dit que tous les prophètes ont soupiré, voient ce que vous voyez. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On a entendu tout, vraiment un chien comme ça, tu n'as même pas encore 50 ans. Si tu as vu Abraham, il dit qu'en réalité, avant qu'Abraham fût Jésus, il dit que là, alors tu as dépassé le bol, tu as besoin de bol. C'est ce que Jésus voulait leur montrer. Jésus voulait leur montrer, en réalité, vous sondez les écritures, c'est qu'il y a un témoignage, l'écriture se dirige vers moi. Si vous venez vers moi, vous avez la vie. C'est ça que Jean-Baptiste en train de dire que l'ami de l'époux là, qui est l'ami, il se tient là, il est content à cause de la voix, il n'est pas content à cause de l'époux, ni à cause de ça, à cause de la voix. Du fait qu'il en vient entendre Emmanuel. Il entend Dieu prêcher, pas dans le tonnerre, pas dans l'esprit, mais dans une chair humaine. Il a vu la chair. Amen. Voilà votre réponse. D'accord, frère? Continuez, la deuxième réponse se trouve là-bas. Allons-y. Est parfait. Vous avez entendu ce que Jean-Baptiste a dit? Alors les paroles, ce qu'on a toujours lu maintenant, commencent à avoir le sens, n'est-ce pas? Avançons. Stop. Donc Jean-Baptiste vient de finir, après avoir dit ces choses, il a prophétisé maintenant que tu dois quitter la scène. Et s'il est dans l'écriture, qu'il est censé venir, la personne est sortie, doit être dans l'écriture. Le prêtre a dit, on est tout à l'heure, il a dit exactement comment il devait sortir, on devait lui couper la tête. Parce que c'est prévu comme ça. C'est ça aussi, n'est-ce pas? Absolument. Donc il faut qu'il quitte. Maintenant, l'heure arrivée, on devait le mettre en prison. Alors l'œil de l'aigle s'est achevé. L'œil de l'aigle s'est achevé. L'œil de l'aigle. L'œil avec lequel il pouvait voir maintenant. L'œil du prophète s'est achevé. Parce qu'il ne peut plus vivre en tant que prophète. Il vit maintenant en tant que Jean le Baptiste. En tant que Jean. Jean maintenant était en prison. Le prophète avait quitté la scène. J'aimerais que quelqu'un comprenne bien ça là maintenant. J'ai dit ça la dernière fois. Jean était en prison. Le prophète avait quitté la scène. Tu as compris mon cher frère? Tu as compris ce qu'il dit? J'ai dit quoi, frère? Salut moi. Là, tu comprends, tu ne comprends vraiment. Non, il n'y a plus même que vous là-dedans. Jean qui était debout, qui prêchait race des vipères, race des vipères, c'est pas lui qui était en prison. Le Jean là, c'était éclipsé. Il a bien dit qu'il faut qu'il croise et que moi je diminue. Donc son onction, sa révélation va aller manifestant. Pour moi, je vais disparaître. Et il disparaît une fois, la chair est là. Alors il faut qu'on le fasse quitter la scène. Alors, dans cet état-ci là maintenant, dans cet état de l'homme maintenant, simple homme maintenant, c'est là où Satan est venu le traiter, le bombardement. Tu es sûr vraiment que tu n'as pas fait le rôle dans ton ministère? Tu es même sûr que c'est même la personne même que tu as envoyée? Attends, si c'est la personne, comment depuis que tu es en prison, n'aime pas envoyer un maïs pour venir te rendre visite? Vous voyez le problème là, n'est-ce pas? Alors maintenant, il commence à entrer dans ce scénario. D'accord, mon cher frère, c'est Jean qui a été décapité par le prophète. Jean a été décapité par le prophète parce que le prophète, lui, on ne peut pas le tuer. Le prophète, tu ne peux pas le tuer parce qu'il y a le prophète, il y a l'homme. Le prophète, on ne peut pas le tuer. Le prophète, on ne peut pas le tuer. Mais l'homme, on peut le tuer. Parce que l'homme est livré selon le dessein de Dieu. D'accord, bien-aimé? Ça va, mon cher frère? Absolument. Maintenant, il y a un dernier. Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Qu'est-ce que vous en dites là maintenant? Avec tout ce qu'on a dit, vous pouvez conclure? Vous pouvez conclure maintenant? Ok. Les vannes, on va prier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous, vous tous qui vous nous écoutez de loin ou de près. Pour tous ceux qui recevaient nos messages. Souvenez-vous, vous avez les questionnaires, vous recevez les CD, il y a les numéros au-dessus. Si vous recevez sur Internet, vous pouvez avoir des renseignements sur d'autres enseignements. Comment nous contacter dans d'autres enseignements. Numéro de téléphone, numéro Skype, numéro Internet. Pour nous contacter, numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ce moment de réponse et de questionnement au Dieu de gloire que tu nous as éclairci. Tu nous as dit particulièrement, Seigneur, que ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Et tu as conclu que c'est par là que c'est fait reconnaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous te remercions, Père de gloire, pour ta parole ce soir. Nous remercions les uns et les autres. Merci parce que tu m'as éclairé. Merci pour la révélation dans ta parole. Merci Seigneur pour les réponses, merci pour les questions, merci pour les cœurs que tu as éclairés. Seigneur, si tu trouves quelqu'un ici, oh Dieu, qui philosophait encore sur une parole venant de toi, Père, je prie que tu leur montres que l'heure est grave, que l'heure n'est plus à discussion, que bientôt minuit à ta montre va sonner. Je prie, oh Dieu, de voir que tu nous donnes de nous arranger afin que tu viennes chercher une église sans tâche ni rue. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute maintenant au travers d'Internet, pour tous ceux qui nous écoutent au travers de ceux dans la maison. Je prie particulièrement pour les pasteurs qui nous écoutent et qui diraient particulièrement, Père, de voir que nous sommes pour. Oh Seigneur, révèle-les aux gloire qu'ils ont hérité des bagages qui n'étaient pas de toi et qu'ils puissent descendre de leur piédestal d'honneur et de gloire et revenir à la simplicité de l'évangile. Je prie aux gloire que tu leur accordes cette grâce pour tous ceux qui t'appartiennent. Fais venir tes brebis à toi, aux gloire au travers de ces messages et ces différents messages que nous prêchons selon la grâce et la dispensation que tu nous as accordé dans ce ministère. Nous te rendons gloire, nous t'adressons tout notre gloire, toute notre bonté, tout notre dans notre cœur. Nous chantons tes louanges, nous célébrons ton nom parce que toi seul tu es élevé. Que ton nom soit élevé dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je t'aime. Bien-aimé, je t'aime. Bien-aimé, au Seigneur, au féminin, c'est bien-aimé. Ça va, Père. C'est seulement ton nom là que je ne parle pas depuis des années. Toi, pas ton nom. Je demande ton nom chaque fois. Il n'y a pas un autre prénom qui est plus facile. C'est seulement ça que ta mère demandait. Cyrielle. Je crois qu'il va falloir que tu mettes un prénom. Tu étais avec tes intérêts. Donc tu peux mettre un prénom. D'accord. Je vais mettre un prénom. Le prénom pourra être changé. Est-ce que tu veux un prénom? Tu dis Damba. Damba, c'est bon. Le prêtre avait une fille, vous le savez. Donc, on va t'appeler Tabitha, n'est-ce pas? Tabitha est bien ouvert dans le casse. Je préfère qu'elle parle de Dieu. Comme ça, c'est mon nom qui va t'appeler pour t'identifier. Parce que le Syria ou c'est Syria ou c'est quoi là? Frère, je t'ai salué, mon cher. Ok. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.